Unité 7, 1B, 1. Moi, je pense que c'est une initiative intéressante. De toute façon, le manoir est abandonné. Et si on n'en fait rien, un jour, tout s'effondrera. Autant en profiter pour faire venir les touristes. 2. C'est scandaleux. Le manoir fait partie de notre patrimoine. Il est hors de question de le vendre à un promoteur immobilier. Cela dénaturerait le village. 3. Un hôtel ? Pourquoi pas ? Je trouve que c'est une solution pour préserver le bâtiment, à condition de lui conserver son style original. Je suis sûr que l'arrivée des touristes sera un plus pour l'activité économique du village. 4. Cette idée me fait peur. Avec l'arrivée massive de touristes, les chemins de randonnée vont se transformer en autoroutes. Et, comme toujours, la faune et la flore en seront les premières victimes. 5. Cela va sans doute créer des emplois et faire que les jeunes restent ici. Les infrastructures aussi vont être rénovées et nous en avons bien besoin.